Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Puis là, on va passer maintenant à l'info en trop, l'info qui effectivement ne sert à rien. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Et intéressantes, faut le dire vite. Dans le monde du cinéma, plusieurs personnalités se sont réunies pour réaliser un projet exceptionnel. Georges Clooney, Jean Dujardin, Omar Sy et Jean-Luc Lahaye vont ouvrir un magasin de bricolage. Une première dans la musique française, le chanteur Michel Sardou a pris la défense du rappeur Aurel San. Il estime que le rappeur ne fait que son métier, Michel Sardou joue au dur. D'accord. Le sélectionneur national Marc Wilmots a répondu aux questions de ses fans sur Facebook. Pardon. Très ému, Marc Wilmots n'a pas pu écrire une phrase. Polémique, un journaliste de la RTB accuse l'attaché de presse Emmanuel de Roubaix de lui avoir refusé une interview sous prétexte qu'il se déplace en fauteuil roulant. Monsieur de Roubaix, surpris par ces allégations, a même déclaré en être tombé de sa chaise. Yes. Oh, terminé, si vous aimez les oiseaux et les homosexuels, adoptez un perroquet. Mickaël à la radio, le replay. Opa, gros freestyle. Gros freestyle. Bon. Audrey, quand j'ai fait le concours Miss Belgique, mais depuis que je me coiffe, j'ai jamais retrouvé ma plastique. Hamburger et pizza, moi j'aime si y'est gras et calorique. D'ailleurs maintenant, je vais me faire un quick. Je m'appelle Audrey, et quand j'arrive dans une friterie, je me fais acclamer par les patrons qui grâce à moi gagneront bien leur journée. Et même si dans ma mini je n'arrive plus à rentrer, j'arrête pas de bouffer dans les restaurants à volonté. On ne me laisse jamais entrer. Par à Paris, je prends 3 kilos. Je bouffe au McDo et les gâteaux. C'est comme les Red Bull, j'en consomme beaucoup trop. Oh, pas gros freestyle. Gros freestyle. Bon. Opa, gros freestyle. Gros freestyle. Opa, gros freestyle. Red Bull pour Audrey. Opa, gros freestyle. Red Bull pour Audrey. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon Alexis, alors on va jouer au ni oui ni non, vous verrez bien, le principe est simple, tu le connais j'imagine. Oui. Bon, très bien. Alexis, donc, on va jouer maintenant. Tu ne dois pas dire oui, tu ne dois pas dire non. Pareil pour Audrey, pareil pour Aline, pardon. Et en plus de ça, le mot supplémentaire est le mot. Qu'est-ce qu'on peut. Voilà, il ne faut pas dire E d'hésitation, hein, pas la lettre, non. Évidemment. D'accord? Moi, je trouve des phrases sans E, ça pourrait être drôle. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être drôle. Bon, ni oui, ni non, ni D'accord? Ouais. Allez, une minute, si tu réussis, tu repars avec l'iPod. Si tu rates forcément, c'est que dalle. C'est parti, bonne chance. Alexis ? Aline ? Comment vas-tu ? Ça va bien, toi ? Très bien. Que fais-tu aujourd'hui ? Oui, il a dit oui. Non, il a dit. Il a dit c'est exactement. Bon. Ouais, non, franchement, parce que l'autre, elle l'a interrompu. Ouais, là. Allez, c'est bon, bon, on recommence, voilà. Ah. Hop là, on continue. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc j'aurais des questions à te poser sur ton travail. Vas-y. Travail. Donc je voudrais savoir si. Hop là. Deux fois. Faut réfléchir. Ah ouais. Ah si. Bah oui, faut pas réfléchir. Tu vois, ça c'est un jeu qui convient très très bien à Aline parce qu'il ne faut pas réfléchir, tu vois. Mais non, mais justement, je réfléchis. Ouais, c'est ça. Alexis, malheureusement, c'est perdu. Ouais. Bon, désolé, ça arrive même au meilleur, t'inquiète, va. Bah oui. Y'a pas de problème. Bon, bah tu reviens quand tu veux, passe une excellente journée, Alex. Ouais, merci, vous aussi. Allez, à bientôt, ciao à toi, Alex, bye bye. Mickaël à la radio, le replay. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous. Vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. En fait, je me suis posé la question, c'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde parle d'écologie, machin, et on, au final, on continue à chier dans de l'eau potable. Et moi, je trouve ça, c'est pas normal. Scandaleux. Mais oui. Bah oui. Donc, bon. je me dois de poser la question. Bon, on va appeler Airstal. Allons-y. On va se poser la question à Airstal. Enfin, on va poser la question à Airstal. C'est parti. Allô ? Oui, bonjour madame. Mais qui est-ce ? Oui, Toff à l'appareil. Je ne comprends pas. Je dis c'est Toff à l'appareil. Non, mais je ne connais pas de moi, monsieur. Non, madame, mais je vous appelle parce que j'avais une petite question à vous poser. À quelle heure est-ce que vous vous levez, vous ? En général, vers 4 heures. Ah bon, ben vous seriez bien de penser aux autres. Ben, c'est ce que je fais, madame, c'est pour ça que je vous appelle. Ben oui, mais vous n'avez pas m'appeler en pleine nuit, hein ? Bah, non, c'est pas la nuit, là, madame, vous exagérez un peu. Écoutez un petit peu, hein. Oui. Je ne vous connais pas. Vous non. M'emmerdez. Je n'ai pas rien à faire avec vous. Vous venez m'interrompre. Je ne suis même pas encore réveillée. Oui, mais en fait, je vous appelais pour vous poser une question. Allez-y, puisque je suis réveillée maintenant. Ah, ben voilà, c'est gentil. Ben voilà, en fait, je me demandais pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de l'écologie alors qu'on continue à chier dans de l'eau potable ? Vous vous foutez de moi ou quoi ? Oui, pas du tout, madame. Allez, sincèrement, vous n'êtes pas sérieux. Je fais mon possible pour vivre correctement, alors laissez-moi tranquille. Vous voulez bien ? Ben oui, mais ça répond pas à ma question, ça, madame. Enfin, je vois pas le rapport, effectivement. Ouais, elle est un petit peu déprimée, madame. Bah oui, mais bon, on va la rappeler. Ouais. Et alors ? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, vous n'avez pas répondu à ma question. Je ne la répondrai pas et vous me foutez la paix. Bah, c'est pas gentil, ça, madame. Oh, quelle bon, violence. Bon, encore un coup. Non. Dites, vous avez bu ou vous avez pris du hache ou quoi ? Mais ni l'un ni l'autre, madame. Moi, je vous appelle pour vous poser une question et vous êtes désagréable. Mais non, je ne veux pas. Vous me foutez la paix, c'est compris ? Bah oui, c'est compris, mais c'est pas gentil. Eh bien, téléphonez à quelqu'un d'autre, d'emmerdeur. Mais ça, elle a raison. Tout à fait. Non, mais ça, pour le coup, je peux pas dire. Je peux pas rien dire. Hein. La raison, t'es casse-couille. Oh, raison, désolé. Non, mais je suis pas d'accord. Si. Bah, moi, je suis d'accord, t'inquiète pas. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain, il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben, c'est perdu. Ah, non, t'as gagné. Ouais, bon, écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. On écoute maintenant le premier. Monsieur Mortier, bonjour, Aurélie, société. Je me permets de vous contacter concernant votre demande de prix pour l'étalonnage d'un spectrocolorimètre en coufrac et pour un brillance net 3 angles. Évidemment. Je voulais voir avec vous si vous l'avez bien reçu. Merci, bonne journée. Oui, oui, oh là là, deux même. Ah oui, bah, ouais. On est prends en 3. On sait jamais. On est bien, exactement. Deuxième message. Oui, Bob, c'est Mickey, le fan de motocross qui est sur Internet. Bon, bah alors à dimanche, hein, j'espère. Hein. Allez, salut, n'hésite pas. Oui, bien sûr, Mickey, on va t'appeler, y a pas de problème là. Bah, on avait que ça à faire en plus. Bah, oui, c'est ça, exactement.